ça n'a ce mal, il va falloir jouer serré, il va falloir ronger le mal, à la racine il faut plonger. Déjà le diable est en retard, soit être l'intemporalité, et nos minables corps à terre qui n'en finissent pas de saigner. Toute notre vie, on attendait qu'un bateau pirate nous délivre, que l'ego élan qui viendrait pourrait nous apporter les rires. Toute notre vie, on attendait que le temps puisse nous rendre ivres, de pouvoir tenir le soleil, mais l'on ne sentait que le givre. Notre mort, ça ne se mal, va falloir descendre la pente, voir si elle mène bien nulle part. Il va falloir serrer le ventre, déjà le diable se fait attendre, soit être l'honneur ou la fierté, et nos minables corps à terre qui n'en finissent pas de sombrer. Toute notre vie, on essayait de se dire que ce n'est pas si grave, et tous ces gens qui nous parlaient pour nous dire que c'est pas si grave, que l'on a bien failli y croire à ces histoires de bon enfant. Et l'on pensait semer le blé, alors qu'on ne semait que le vent. Notre mort, ça n'en se mal, va falloir affronter la tempête, ou le volcan, ou l'ouragan, ou le souvenir de ces fêtes. Déjà le diable exagère de nous faire poireauter ainsi, et nos minables corps à terre se mettent à songer au paradis. Qu'un jour prochain sera moins pire, si c'est pas l'autre, c'est le suivant, même si c'était rien de le dire. Pour cela, on nous soutenait, nous trouvait agréables à vivre. Dans la situation de maintenant, cela ferait plutôt vomir. Notre mort, ça n'en se mal, il va falloir serrer les dents, et puis les poings, pour être honnête, pendant ces tout derniers moments. Déjà le diable ne viendra plus, la mort ne veut point de galant, et nos minables corps se meurent dans la liberté de l'instant. Toute notre vie, on a attendu cet avenir qui ne viendra plus, et l'on est passé sous le seuil, limite des déconvenus. L'attente fut donc implacable, et l'on ne sait même plus de quoi, et nous voilà morts sous les balles, paré des dorures des états.